Toujours en Corée du Sud, selon la radio MBN du 27 octobre, les associations générales des étudiants de plusieurs universités ont publié des déclarations d'actualité contre l'affaire de la monopolisation des affaires d'État par Bakunin et Chosun-sil. Les professeurs et les juristes aussi exigent de Bakunin de prendre une attitude responsable à travers les déclarations d'actualité. La déclaration d'actualité originelle a été publiée par les professeurs des universités contre la dictature, y compris les élections frauduleuses du pouvoir de Simani, le 25 avril 1960, juste après le commencement de la révolution du 19 avril. Le lendemain, le président d'alors, Simani, a décidé sa démission.